J'ai le blanc. OK. Hey, champion, hostie, pourquoi que je suis pas capable de changer le générique pour celui qui a du volume? Je sais pas, il y a quelque chose qui va mal ces temps-ci. Dit quelque chose de pourri au royaume du Danemark, aurait dit le poète jadis. On est à 70%, le 70% de Noël. Vous allez m'entendre parler longtemps en début d'émission parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Énormément de sujets à aborder et plusieurs... discussion à terminer. Ce qui m'amène à vous montrer, peut-être en commençant, mon énigme que j'ai posée à tout le monde. Je l'aime beaucoup. Et voilà, vous pouvez la reproduire à la maison. Ça ici, c'est de face. Et celui-là ici, c'est vraiment de côté. Et la petite dent qu'on voit là, c'est la même petite dent qu'il y a là. Donc... Ça se termine, en fait, l'énigme se résout en un mot très simple. À cette heure, il vous reste à le trouver. Je vais sûrement y revenir parce que c'est mon énigme préférée. J'ai un gros background avec. Dans le temps, je faisais des échanges d'énigmes avec mon professeur à l'université. On est en 2000 à Rouyn-Noranda parce que ça existe, Rouyn-Noranda. Et puis, voilà, là, il m'a posé une énigme, je l'ai eue. J'y en ai posé une, il l'a eue. Il m'en a posé une, je l'ai eue. Et je lui ai posé celle-là. Et après l'année au complet, il m'a dit « Hey là, tabarnak, c'est quoi la réponse? » Et quand je lui ai dit, il a fait « Oh, ouais! » J'aime ça, les énigmes comme ça. Donc, on est à 70% de Noël. Mathieu Boudreau vient d'entrer dans le studio. On est accompagné de Giz à la console, là, qui va venir tantôt nous parler d'un jeu vidéo bien important. On a aussi Caroline Pomerleau, que j'aimerais saluer dans le salon. Allô? Et, en fait, j'ai une surprise pour vous ce soir à 70%. C'est l'unique, le très, très franchisé... viens ten bonhomme. On parle bien entendu du je peux te tenir ça. Dans le fond, je voulais juste que tu viennes présenter aux amis L'encan qui va avoir ce soir au brouhaha. Et j'ai entendu dire que t'étais pour venir brouhaha, Père Noël, nous aider à présenter l'encan et le reste, pendant qu'on a River City Ransom, un des bons jeux du NES en background. Donc, Père Noël, voici un fabuleux vinyle. Ah, viens-t'en par ici un petit peu. Un fabuleux vinyle. C'est pas n'importe quel vinyle, c'est Boy in the Box de Corey Hart. En plus. En fait, si ça finit pas bien l'année Corey Hart, un vinyle de Corey Hart, je sais pas ce qui pourrait bien la finir. Et bien entendu, Père Noël, je me permets de... ça, c'est vraiment une des belles trouvailles que j'ai fait au pawn shop de Rouyn-Noranda. Check le beau cadre de Porsche. Ça va partir cher, hein, Père Noël? Oui, mais en plus, si on regarde, il y a même un jeu vidéo dedans. Et voilà, tout est là. Tout est là. Et sinon, je pense que tu peux y aller, là. Ouais, pars avec ça, là. Tu vas l'amener au brouhaha tantôt. J'ai ton cadeau. Oh, j'ai un cadeau! Tiens! C'est de la poudre blanche. Donc, merci Père Noël, je déballerai mon cadeau plus tard quand on va avoir plus le temps. Là-dessus, j'ai un très, très, très, très gros sujet cette semaine parce que ça faisait longtemps que ça me revenait, il y a des indices qui sont en train de se passer et je ne peux passer ça sous silence. En cette période de Noël, il est important de se retrouver avec ceux qu'on aime et d'oublier les tracas de la vie. Pour au moins une soirée, célébrer les mythes naviguant autour du solstice. On n'est pas brainwashé. Nous, on est catholiques chrétiens, un peu comme en Russie. La Russie, hein? De magie et de pardieu. Où Poutine a décidé d'utiliser le bouc émissaire par excellence pour créer des barrières morales qui étaient jusque-là laissées hors des affaires d'État. Faut protéger les enfants contre les gays. Alors, les gays sont à enfermer. Il y a en Inde aussi où une décision d'un tribunal de province rendant l'homosexualité légale, a.k.a. on s'en calisse, a été renversée par un tribunal de la Cour supérieure. Et bien sûr, il faut mentionner l'Ouganda, qui continue dans sa lignée, un pays fier et fort qui se prétend fer de lance de cette idée révolutionnaire qui ressurgit un petit peu partout en adoptant. Vendredi passé, on est en l'an 2013, une loi durcissant la répression de l'homosexualité et prévoyant la prison à perpétuité pour les récidivistes. On va mettre les gays dans des cellules. Yeah! C'est une victoire pour l'Ouganda. Je suis heureux que le Parlement ait voté contre le mal, aurait dit un Christ de cave dogmatique influençable aux pulsions réfrénées et à la haine palpable. En fait, déjà, on est devant un paradoxe, protégé par la peur, contrôler les idées en leur empêchant d'exister. La répression, ça n'a jamais fonctionné à aucun niveau et de transformer toute une population en la femme de barbe bleue, ça oblige quelqu'un de devenir barbe bleue. Tu peux pas avoir la femme de barbe bleue sans avoir barbe bleue. Puis tu sais, qu'est-ce qui est plus gay qu'un jaloux qui se sent laissé dehors de tous les parties de gays qui décident de se venger sur ses compatriotes qui l'ignorent en pétant le party? Au moins, on sait ça vient de où, ces idées bien importantes de pas se crisser de ce qui fait bander son voisin. Bien entendu, du livre le plus édité de tous les temps, la parole traduite, retraduite et retransmise de Dieu, la calice de Bible. Je me permets de citer à ce moment-ci le Lévitique 18-22. C'est le plus cité sûrement de tous. Vous ne devez pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique monstrueuse. Monstrueuse. C'est pourquoi Romains 1, 26-27, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses. Leur femme elle-même change les relations naturelles en des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Ben oui, parce que on fourre, tu sais. S'il n'y a pas de trou, on va en faire un. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi eux-mêmes la population que mérite leur égarement, bien entendu. Et bien, on retourne dans le Lévitique 20-13. Si un homme couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, ils se rendent tous les deux coupables d'une action monstrueuse et doivent être mis à mort. Ils sont les seuls responsables de leur mort. Faut les tuer. Est-ce que ça implique le high rape? Oh. À noter que les versets les plus souvent cités pour légitimer cette bêtise font partie du Lévitique, un des nombreux livres de la Bible que personne ne sait qui a écrit. On évalue sa provenance de 400 à 500 avant Jésus-Christ. C'est donc des lois qui sont très, très, très adaptables à l'univers dans lequel on vit présentement et c'est coulé dans le ciment comme le reste. Rendu là, j'ai trouvé ce petit bijou ici qui me permet de relativiser la connerie et de nous détacher un peu de la bêtise incroyable qu'est la religion appliquée sans discernement. Je noterai d'emblée, avant de me lancer, parce que j'aime ça parler de moi, que je me considère beaucoup très spirituel, mais vraiment pas dogmatique. Je sais pas ce qui est plus grand que l'humanité, mais je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que l'humanité. Cette affaire plus grande, j'essaie de la conceptualiser, j'essaie de m'en faire une idée, j'essaie jamais de m'en faire une vérité, j'essaie de m'en faire une idée. J'ai réussi à me construire une notion de l'après-vie qui me satisfait pleinement et j'utilise la connaissance la plus générale possible pour tenter de trouver un sens à ma vie et à concevoir ma place dans l'univers qui est toute petite. Et quand je sais que ma place est toute petite, ça me rend beaucoup plus fort. Toute nouvelle information va trouver de la place au sein de ses conceptions et c'est là la différence majeure entre être un Christ de cave de religieux dogmatique aux idées absentes ou être humain, à mon sens. Donc, je vous copie-colle une lettre pas pire pantoute que j'ai trouvée sur le net. Oui, merci, merci. Lors d'une de ses émissions, une célèbre animatrice radio états-unienne fit remarquer que l'homosexualité est une perversion. Sauf pour les filles, c'est juste entre gars, t'sais, asti que c'est con. C'est ce que la Bible dit dans le livre du Lévitique, qu'on sait pas c'est qui a écrit, chapitre 18, verset 22. Tu ne coucheras point, hein, je l'ai dit tantôt. La Bible dit « un point c'est tout », affirme l'animatrice de radio. Merci de mettre autant de ferveur à éduquer les gens de la loi de Dieu. J'apprends beaucoup à l'écoute de votre programme et j'essaie d'en faire profiter tout le monde. Mais j'aurais besoin de conseils quant à d'autres lois bibliques, parce que la Bible, il y a quelques lois bibliques dedans. Oui, on va en parler là. Par exemple, je souhaiterais vendre ma fille comme servante, telle que c'est indiqué dans le livre de l'Exode, chapitre 21, verset 7. À votre avis, comment trouver le meilleur prix, le prix le plus juste? Le Lévitique aussi, chapitre 25, verset 44, enseigne que je peux posséder des esclaves, ce qui est très très godly, hein? Homme ou femme, à condition qu'il soit acheté dans des nations voisines. Un ami affirme que ceci est applicable aux Mexicains, mais pas aux Canadiens. Pourriez-vous m'éclairer sur ce point? Pourquoi est-ce que je ne peux pas posséder des esclaves canadiens? J'ai un voisin qui tient à travailler le samedi. L'Exode, chapitre 35, verset 2, dit clairement qu'il doit être condamné à mort. Je suis obligé de le tuer moi-même. Pourriez-vous me soulager de cette question gênante d'une quelconque manière? Car la Bible dit, si tu travailles le samedi, tu dois être mis à mort. Autre chose, le Lévitique, chapitre 21, verset 18, dit qu'on ne peut pas s'approcher de l'autel de Dieu si on a des problèmes de vue. C'est très, très, très difficile d'établir que quelqu'un n'a aucun problème de vue. Je pense qu'on a tous... en fait, c'est le péché de l'objectivité. Personne n'est objectif. On ne voit même pas le verre, tout le monde, de la même manière, même si c'est le même verre. Et on n'a aucune manière de prouver qu'on voit le même verre de la même manière. Asti, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, qu'on peut s'approcher de l'autel de Dieu. J'ai besoin de lunettes pour lire. Mon acuité visuelle doit-elle être de 100%? Serait-il possible de revoir cette exigence à la baisse? Parce qu'il veut aller à l'autel. Un de mes amis pense que même si c'est abominable de manger des fruits de mer, tel qu'écrit dans le Lévitique 11-10, l'homosexualité est encore plus abominable. Je ne suis pas d'accord. Pouvez-vous régler notre différend? La plupart de mes amis de sexe masculin se font couper les cheveux, y compris autour des tempes, alors que c'est expressément interdit par le Lévitique 19-27. Comment doivent-ils mourir? Parce que Dieu, il y avait des conseils de coiffure. Je sais que là, on ne permet aucun contact avec une femme tant qu'elle est dans sa période de règles. Fuck off. Pourtant, ça peut y faire du bien, mais si on s'en crisse. Le problème est... Comment le dire? J'ai essayé de demander, mais la plupart des femmes s'en offusquent. C'est ma préférée, je pense. Quand je brûle un taureau sur l'autel du sacrifice, je sais que l'odeur qui se dégage est apaisante pour le Seigneur. Parce que le Seigneur a un nez. Le problème, c'est mes voisins. Ils trouvent que cette odeur n'est pas apaisante pour eux. Dois-je les châtier en les frappant? Demande. C'est toutes des questions valables. Un dernier conseil. Mon oncle ne respecte pas ce que dit le Lévitique, chapitre 19, verset 19, en plantant deux types de cultures différentes dans le même champ. De même que sa femme, qui porte des vêtements, fait de différents tissus, soit coton et polyester. De plus, il passe ses journées à médire et à blasphémer. Est-il nécessaire d'aller jusqu'au bout de la procédure embarrassante qui est de réunir tous les habitants du village pour lapider mon oncle et ma tante, comme le prescrit le Lévitique, chapitre 24, verset 10 à 16? On ne pourrait pas plutôt les brûler vifs au cours d'une simple réunion familiale privée, comme ça se fait avec ceux qui dorment avec des parents proches, tel qu'il est indiqué dans le livre sacré, chapitre 20, verset 14. Et je rappelle que la Bible, si on l'écoute, on est consanguin plus de 4 fois. Je sais que vous avez étudié à fond tous ces cas. Aussi ai-je confiance en votre aide. Merci de nous rappeler que la loi de Dieu est éternelle et inaltérable. Votre disciple dévoué fan admiratif, oui, la loi de Dieu appliquée telle qu'elle, puis on sortirait pas beaucoup de chenoux, je pense. Hein? Là-dessus, je vous souhaite un joyeux Noël, qui est une fête qui vient surtout du fait que le solstice arrive à ce moment-ci. Et le mythe des trois bergers, c'est les trois étoiles dans la constellation d'Orion qui descendent et descendent parce que l'axe de la Terre fait qu'on n'a pas tout le temps le même horizon la nuit. Et à un moment donné, ils commencent à remonter parce qu'on s'en retourne vers l'été. Donc, c'est une fête païenne qui date d'époques lointaines que nos ancêtres y avaient comme TV, le ciel la nuit, puis rien d'autre. Fait qu'ils remarquaient les petits détails, puis ils transformaient ça en histoire, puis ça lui faisait des affaires à se raconter. Pis ça, c'est beau, se raconter des affaires. Après ça, transformer ça en brûler des gens. Calvaire, man! L'Ouganda, pour vrai, là, c'est... On commence 70%, on va écouter un clip de Yann Terry, qui est une fille de Chicago, qui nous avait fait « I don't wanna lose you tonight, you're the only thing that matters, I don't wanna lose you this way, just bring your love. » Puis Bruno vient d'arriver, on est à 70% de Noël. Woo! On n'a pas de grelot, hein? Calice. Christmas we love, that's all we can do. Butler is gone, but Kevin is there. Let's visit him. What do you think? Let's go through Central Park on a sleigh. But we gotta get home. Santa's on his way. In Spanish they say Feliz Navidad, Feliz Navidad this Christmas. When we're away, we know you miss us. All I can say is excuse my Christmas. With goblins we just got done, and now there's lots of mistletoe around. After Santa travels throughout space, will hang with us, and Christmas will be next. Santa, I won't be naughty no more, not like last year's or the year before. I'll hang my stockings and hope for some gifts. I have so many presents on my Christmas list. In Spanish they say Feliz Navidad, Feliz Navidad this Christmas. When we're away, we know you miss us. All I can say is excuse my Christmas. I love the cold, I love the snow. In New York City, there's so many places to go. But this is a special day we spend with our friends each and every way. Skip the train, you Santa's sleigh, so why don't you come home? Celebrate our friendships and toast another year. Liberty Bell, South Street, where do you want to meet? I love the Christmas lights as we walk in the dark. Look at the snow covering Love Park. In Spanish they say Feliz Navidad, Feliz Navidad this Christmas. When we're away, we know you miss us. All I can say is excuse my Christmas. Countdown to Happy New Year! 10! Je veux dire, elle veut nous tuer parce que toi tu as voulu jouer les musculos respiratoires. Sur doute.tv, les manchères internationales avec Bruno Corbin. Est-ce que c'est Noël, là? Ah oh, oui. Merci à notre ami Jean-François Gibson pour cette fabuleuse bière que je vais tester. En fait, j'ai payé pour, là. Pour la première fois, oui, je sais, mais c'est grâce à lui, c'est la mafia. La mafia de J.F. Gibson. La mafia de Rouyn-Noranda. De Rouyn-Noranda. Joyeux Noël, Bruno de Noël. Hey, joyeux Noël, Tommy de Noël. De Noël, de Noël. Oui, ah ouais. Risotto, ouais, c'est ça. Le gars, il a un nom comme de la bouffe. Ouais, ouais. C'est un Italien, hein? Ouais, ouais, ouais. Bon, donc, je vais taster de ce nectar pour la première fois. Là, moi, je t'ai switché. On est rendu en nouvelle avec Bruno Corbin. Tiède. Comme ça, on la goûte mieux. Ben oui, c'est ça, exactement. Alors, on part tout de suite en nouvelle, et puis c'était pas censé être ma première nouvelle, c'était censé être ma dernière nouvelle que je vais faire là, mais vu que Tommy a fait quelque chose de bien le fun, je vais y aller avec quelque chose dans le même ordre d'idée. Alors, Conservapédia, qui est le Wikipédia des conservateurs américains, donc celui qui est le plus rempli de vérité. de on a assez du message libéral qu'on retrouve un peu partout dans la Bible. En effet, selon l'organisme, la Bible n'est pas assez conservatrice et devrait être retraduite dans une optique plus comme qu'eux autres y voudraient. Si vous voulez participer à cette nouvelle traduction... Attends, là, ça... C'est vrai, la Bible, on base tout là-dessus, mais il faudrait la retraduire pour que ça... Oui, mais c'est ça, c'est pas assez... Mais tu peux pas dire ces deux affaires-là, puis être intelligent, là. OK, Bruno, je t'écoute, Bruno. Devrais-je continuer? Oui, oui. on est tous à la même longueur, donc, c'est bon. Okay. Alors, si vous voulez participer, il n'est pas nécessaire de parler araméen ou latin ou grec. On ne cherche pas ici des spécialistes qui feront une véritable exégèse du volume, mais plutôt des gens qui ont un talent pour placer des mots populaires qu'on retrouve dans le Wall Street Journal, comme des mots comme capitalisme, éthique de travail, peine de mort, anticompétitif, élitisme, productivité, privatisation, pro-vie, des trucs comme ça. Tous des mots bibliques. Tous étrangement manquants de ce livre, qui pourtant semble être la véritable Bible des conservateurs. Segway me all night long. Donc la logique derrière tout ça, je vous rappelle qu'on est en théologie en ce moment, c'est pas certain que Jésus aurait dit toutes ces choses là. Par exemple, cette phrase préférée qui est surcitée, que celui qui de vous qui n'a jamais péché lance la première pierre, Conservapédia est pas mal certain que Jésus a jamais dit ça. Ils ont décidé de la couper. C'est plus dans la Bible. Jésus n'a probablement pas dit non plus « Heureux sont les débonnaires », ça a été changé pour « Heureux sont les pieux ». aussi, le mot « riche » a été remplacé par « entièrement nourri et diverti » dans la phrase « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». Histoire que ça s'applique à personne. C'est rendu, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un entièrement nourri et diverti. Ah, ils sont déments, man. Finalement, quand Jésus accueille ses disciples en leur disant « que la paix soit avec vous », on remplace ça par « que la tranquillité d'esprit soit avec vous » parce qu'on ne voudrait pas confondre Jésus avec un pacifiste. Tabarnak! Hey, dis-moi de Noël, non, c'est... De Noël! Pis ça, c'est vrai, là, il y a de l'argent là-dedans, il y a du monde... Il y a du monde, je sais pas... J'imagine qu'il y a de l'argent parce que c'est Conservapédia. Wikipédia, c'est fait par des bénévoles, mais d'après moi, Conservapédia, il doit pas avoir beaucoup de bénévoles là-dedans. Hey, Bruno, je sais que t'es le messager, mais j'aimerais, au nom de la liberté pis du bon sens, t'envoyer sincèrement « Va chier, man! » Asti gang d'imbéciles. Let's go next. J'ai pas sorti toutes les citations que j'avais. Ah, let's go une autre d'abord. Non, mais je les ai pas toutes amenées. Ok, c'est ça, l'affaire. Mais vous pouvez en trouver d'autres. Vous pouvez aller vérifier. Ça se trouve assez facilement. Ben oui, Conservapédia, on a un site de citations imbéciles. Voilà. Ça... Asti d'ennemis du bon goût de calvaire, man. En parlant d'affaires qui ont beaucoup de sens, si vous avez un ami anti-corporation et ne savez pas quoi lui acheter pour Naël, Walmart a pensé à vous. Votre magasin à rayon préféré vend maintenant un magnifique poster à l'effigie du mouvement Occupy Wall Street. Pour environ 50$, cet énorme poster saura rendre votre ami qui aimerait mieux se faire violer par un éléphant sidéen plutôt que d'aller magasiner chez Walmart totalement et non ironiquement heureux. Hey, let's go eat out, man. Excusez, je vais prendre une bière. Vas-y, serre-toi. Normalement, j'en bois pas, tu sais, vous le savez, je suis tellement professionnel. Mais oui, là, oui. C'est pour faire la plug. Sherman Miles a été arrêté cette semaine pour voie de fait et vol et conduite dangereuse après avoir bu en public. La femme de 54 ans avait pourtant promis de cesser ses activités criminelles après sa dernière arrestation la semaine dernière. Personne ne se serait douté qu'elle récidiverait. Surtout, vu son étonnant dossier, la femme a accumulé 396 arrestations jusqu'à maintenant. C'est quoi qu'elle fait à bouer? Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait les 396 fois. Laissez-la tranquille! Asti, ça veut-tu dire qu'il te reste 4 nouvelles et qu'on vient de finir ton premier bloc? Je peux faire une quatrième, là. Let's go, c'est toi le patron. Alors, qui a dit que le jardinage devait être plate? Il y a des balles de 12. Je ne sais pas. Ben... Non, mais pour vrai, qui c'est qui l'a dit? J'ai entendu quelqu'un dire ça. Ça... Non? Mathieu? Non. En tout cas, j'ai des petites nouvelles pour vous. OK. Tu peux maintenant jardiner avec ton shotgun. Oui, avec sa campagne Indiegogo, Per Cromwell tente d'amasser 4000$ pour mener son projet à terme. Pour seulement 50$, vous obtiendrez 4 cartouches de fusil servant à créer la vie. Hein? L'as-tu pogné l'oxymore? Santin Gibson, c'est-tu? Mais c'est quoi des cartouches qui créent la vie? T'as mets dans ton gun, tu tires, ça tire des graines. Ah! Ah! Ben plus le fun de même. Fait que tu peux rester sur ta chaise berçante, c'est ta galerie d'entrée, puis tu peux jardiner. C'est donc ben sans dessin. USA. USA. Faudrait qu'il fasse des cartouches d'eau aussi, puis là ça serait parfait. Ouais, hey, merci beaucoup Bruno. Ouais, ça fait plaisir. On est à 70%, on va revenir plus tard avec d'autres nouvelles et le reste, on a un message d'amour ici. Some says that ever gains that season comes, when our Savior's birth is celebrated, the bird of dawning singeth all night long, and then they say, no spirit can walk abroad, the nights are wholesome, and no planets strike, no fairy takes, no witch had power to charm, so hallowed, and so gracious is the time, so I brought you there. Merry, Merry Christmas, and Happy New Year to you all. I remember the day we met. อายุ24ปีเนาะอยู่กรุงเทพกับมาโดนแล้ว So lonely. He asked me for my name. เป็นแม่ยิ่งหนีมันก็ลำบากหลายให้หลับตกก็หลายถ้ามือได้หนูกลับบ้านดึกๆดื่นๆหนูก็ย่านถึกสีหนูก็ย่านถึกคมคืนหนูก็ย่านอีหลีค่ะแต่เฮ็ดจังใดได้เป็นธรรมดาของแม่ยิ่งที่ต้องแต่งตัวงามๆเซ็กซี่เซ็กซี่วับวับแวมแวมออกไปบุษซ้ายเบิงเดี๋ยวจะต้องไปแต่งตัวแข่งกับมูอีกโอ้คิดมากแล้วก็เมื่อยใจเด้แต่ตอนนี้มาพอกางเกงในเฮ็ดแมนซิกคิลิตี้แพนมั่นใจปลอดภัยมีความสุขหลายค่ะบ่หยั่นมือไส้สีอีกแล้วค่ะวุ้ยถักหลาย A couple kids in a plastic pool Junior me and Junior you won't that be lovely Lovely กางเกงในเฮดมัน security pant Save your pussy Save your history เมื่อก่อนผมเห็นน้องเขาผมเลยอยากอึมน้องเขาเหลือเกินเคยคิดหลายครั้งแล้วว่าจะลากลงทุ่งแถวเนี้ยแต่พอเห็นกางเกงในตัวนี้แล้วนะหมดอารมณ์ทันทีแล้วว่าผมไม่อยากทีบไอ้คนประดิษฐ์คนนี้จริงๆ อย่าลืมสับตะไคร้หนูด้วยนะคะหนูอยากโดนสไครค่ะ อ Hey, salut Tommy! Hey, yo Giz! Comment ça va? Je vis des moments pas pires, là. Je suis pas mal fier de ma race, là. T'as-tu entendu Bruno? Il a parlé de vérité fondamentale. Ben. On a compris que dans la vie, il y a des choses importantes comme tabarnak. Moi, je pense qu'il était temps que l'Internet serve enfin à quelque chose d'important. Gros statement ici ce soir, c'est Giz de Noël. Ouais. Ben écoute, en parlant de statement important, enfin, je viens vous parler d'un jeu religieux, mais cette fois, pour la première fois, un jeu religieux du Nouveau Testament. Ah, ben c'est... Parce qu'on a beaucoup abordé Abraham, Moïse, mais qu'en est-il de Joseph? Était-il un super-héros? C'est ce que nous allons voir. Roll the clip. Ah ouais, on commence avec le clip tout de suite. Je vais te mettre ici la petite pochette, là, l'histoire d'un instant. C'est important, une belle petite pochette religieuse. Ensuite, je vais l'enlever. Ensuite... Bon. For play for Nintendo. On commence le King of Kings, que ça s'appelle. Oh oui. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à trouver ce superbe jeu en magasin. Alors j'ai joué sur un émulateur. Ça Alors, c'est fait par Wisdom Tree, la même compagnie qui faisait les jeux Color Dream, les cassettes de couleurs dégueulasses. Une compagnie gérée par une gang de hippies dans un sous-sol à Baltimore qui ont changé leur nom pour faire des jeux bibliques. Alors, voilà The King of Kings et on a trois mini-jeux. On a The Wise Man, Flight to Egypt et Jesus and the Devil. Ils en mettent tout le temps. Ils en mettent tout le temps plein, c'est ça. Hein? Ils en mettent trois puis ils n'ont aucun bon. Là. Ben ouais. Alors je me suis dit, pour notre bon plaisir et notre bonne connaissance, je vais essayer de finir un niveau par tableau. Donc, alors voilà, on est sur un chameau, et le chameau crache. Hey, c'est des... Le lama, oui. T'es comme un des rois. Mais le lama, il a pas des... Ah, des lettres I, ok. Ouais, alors je me suis fait avoir, moi ayant grandi avec Mario, je me suis dit, il faut que je saute sur le lézard. Ouais. Erreur. Tu sauras qu'un chameau avec quelqu'un dessus lui qui saute sur un lézard, c'est le chameau qui a mal. Ouh, une question. Alors, il a dit que il sait qui je suis, answering said the Christ of God, Luke. Alors, on a choisi entre Goliath, Peter ou Solomon. Je connaissais juste Peter, fait que j'ai mis Peter. Tu connais pas Goliath? Ouais, mais dans la religion, il me semble qu'il est dans l'Ancien Testament. Ça, c'est pas vrai. Clair. C'est vrai. Bravo, ouais, tu l'as eu, man. Ouais, j'étais bien fier de moi. Qu'est-ce que t'es chrétien, man. Sérieusement, les projectiles sont impossibles à lancer. Ouais. C'est pas pratique. Faut dire, ça reste des crachats de lama, là, on se leurra pas. Mais je sais pas si un crachat de lama, ça peut vraiment tuer un lézard. Alors, les cactus qui montent. Les cactus qui montent comme dans la vraie vie. Jusqu'à maintenant, c'est assez représentatif. Oh, une autre question. Alors, après 3 jours, Marie et Joseph ont trouvé Jésus dans le temple qui était là, les taxes collecteurs, je sais pas quoi, vrai ou faux? Oh, non, ça... C'est vrai, ben oui, c'est vrai. Je suis un peu allé au hasard. Ouais, c'est à 12 ans, là, quand il est... Puis là, après ça, il a répondu... Ah ben, calice. Il a répondu, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Je pense que c'est une question piège. Ouais, il a dû rester 2 jours, genre, puis... Et voilà, le niveau est terminé, donc... Fait que ça, c'est un boss fight, ça? Ouais. Ben, comme tu vois, j'ai pas perdu d'énergie. En fait, on a juste des points supplémentaires avec les questions répondues. Donc, ça devrait apparaître bientôt. Mais les animations sont quand même assez intenses pour le temps de Nintendo. C'est comme ils sont forcés là. La religion a de l'argent. Détrompez-vous. Ça c'est quelques pesos. Alors voilà. Donc, on va changer de jeu. Non, mais je me suis dit. Je pense que ça aurait été quand même assez répétitif. Donc, on revient avec le superbe Wisdom Tree. J'aime ça voir ce logo-là. Est-ce que t'as cherché s'il y avait une espèce de speedrun disponible sur YouTube ou ailleurs? Parce que je veux dire, il y a plusieurs tableaux. J'aimerais ça voir la fin de ça. Moi aussi, j'aimerais ça voir si on met des images. Parce que dans les jeux bibliques, ils ont tendance à mettre des belles images de Jésus. Et j'adore ça. Ben oui. Alors là... Ouais, alors c'est pas clair si... Un lapin âne. Le background est quand même pas payé. Ils sont deux, hein? Non, j'ai pas trop compris comment on accélérait, mais quand on reçoit des affaires qui tombent des trous, ça nous fait accélérer. Alors, je sais pas, c'est parce que c'est des stéroïdes à hand. Mais à un moment donné, ça va très vite, et si on accroche... Là, j'ai évité la question. En sautant par-dessus, parce que... Ben, tu sais plus, maintenant. Ben, c'est ça. Mais là, on est en train de tourner autour d'une montagne, parce qu'on voit le drapeau qui est là à gauche. Ouais, je vais l'atteindre en continuant tout droit. Donc, on est dans un monde 3D en 2D circulaire. C'est quand même assez innovateur pour le temps. Ah oui, ben oui. 1991, pour un jeu de NES, c'est quand même assez vieux. Là. On était après Super Mario 3. Il y a... Ah, tabarnak. Alors voilà, on a complètement dans le trou, on l'a vu le drapeau, tu tombais, yes, en tout cas. Mais en tout cas, c'était assez pour ce jeu-là, donc j'ai pesé sur reset maintenant. Donc voilà, maintenant le dernier jeu est mon préféré jusqu'à maintenant parce que, tu sais, on parle souvent de Joseph qui est un peu le négligé de la religion, tu sais, il a pas fourré le cocu le plus célèbre de tous les temps. Ben c'est ça, donc peut-être qu'il y a des pouvoirs de super-héros, peut-être qu'il est important. Donc voici Joseph dans Jesus and the Temple. Donc Joseph, aussi appelé Joseph dans Super Mario Bros. 2 avec un gameplay de marde. Oh non, où est Jésus? Je ne sais pas. Nous devons le trouver. Par nous, ça veut dire tu, Joseph. Alors voilà, ça commence avec on se crisse dans l'eau sans trop savoir qu'est-ce qui va se passer. Et c'est excessivement difficile parce que on n'a pas d'armes, on peut pas sauter sur personne, on doit seulement éviter et répondre à des questions. Après que Marie et Joseph ont trouvé le petit Jésus. Il peut pas le savoir, il court après. Ça leur a pris combien de temps de le trouver? 767, 3 ou 20? Je trouvais ça tellement absurde que j'ai mis 777. C'est correct. Non, et puis check ça! Tu sais, je me fais comme violer par une bébite pendant que t'es en train de tomber. C'est la nature est sans merci, hein? Bah, écoute! C'est. Mais non, mais. Je te peu dire que. C'est donc bien sage, et puis t'as pogné le tour, hein? Ouais, c'est bon, t'as pogné le tour. À la Ninja Gaiden, là. Faut pas que tu sois patient. Wow, hey, on voit que le gameplay est drôle, hey, man. C'est. Mais pour ceux qui connaissent les jeux de Color Dream, c'est standard, c'est toujours ça. Oh, Joseph a été commandé par les anges de ne jamais quitter l'Égypte. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est beau, t'en as eu une. Eh hey, non, mais c'est la deuxième que j'avais. Non. Eh, hey, c'est Mario Bros. C'est pas Mario Bros 2. Non. C'est Mario Bros. Mais non, c'est Joseph. C'est Joseph Bros. Super Mario Joseph. Super Bros. Joseph Bros. Alors, et voilà, j'ai complété un niveau, mais j'ai... Ben ça, c'est assez intéressant. Est-ce que t'aurais tombé plus lentement? On pouvait pas prendre Marie. Ah. Alors là, je me dis, comme le premier niveau, faut que je me pitche dans la chute. Et non, et c'était non, une voilà, erreur. C'est une... C'était une erreur. Ouais, voilà. On et apprend... voilà, c'est... C'est ça, ouais. Fait que là, on va accepter tes excuses. C'est le, de tous les jeux religieux que je vous ai amenés ici, c'était le meilleur. À date, c'est pas mal un des plus puissants. Merci beaucoup, Giz. Merci, Tommy. On poursuit 70%. J'ai l'impression que ça va être le tour à Mathieu au retour. Checkez bien ça, comment j'ai trouvé quelque chose de pas pire. C'est un des hits de l'année. C'est ça s'appelle Russian Police qui chante Get Lucky de... C'est correct. On est à 70%. The force in the beginning. Look. Keeps on giving. What is this of feeling? If you wanna live, I'm ready. We'll be right back. suis Biggie. Comment ça se passe? Ah, ça. Non, des moments difficiles, genre? Ouf. Ben non, mais je vis des affaires pareilles, que ça soit positif ou négatif, Tommy. L'important, c'est d'en vivre. Cette semaine... Je vais te mettre une belle animation avec des scanners. J'aimerais ça. Moi, j'ai... Ah, ben ça, c'est beau, ça. Des Skulls. Hey, parle-moi, Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Ça fait quand même... J'étais pas là la semaine passée. Je sais pas si tu t'en souviens, là. Ça fait une tranche qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. En fait, c'est pas vrai, mais on va faire comme si. La famille... T'es allé voir ta famille, je pense. Ouais. Ouais. Je la salue d'ailleurs. J'ai vu mon frère François. Faisait longtemps que j'avais pas fait ça. On va profiter pour saluer la tienne en même temps. Voilà. J'en ai pas. Je vais te mettre un Batman en background. Ça va être hot, ça. Ah, yes. Écoute, cette semaine, j'ai comme préparé mon fils à Noël, Tommy. Noël, hein? Noël. De Noël. Ouais. C'est pas son premier, par contre. Là. Non, c'est pas son premier, mais c'est parce que là, il commençait à être plus vieux un peu, fait que, tu sais, je l'ai envoyé dans le Nord. Je l'ai envoyé travailler, tu sais. Parce que, ben 9 ans, à un moment donné, tu commences à faire ta part, là. Une société, hein, ne peut pas avancer avec des bâtons dans les roues. C'est vrai, on peut tout pousser la barque, genre. C'est ça, pis ça, c'est un juge qui m'avait dit ça, hein. Il m'avait dit « Vous semblez constamment avoir un bâton dans les mains, ce qui inévitablement vous en met un dans les roues. » Ce que j'avais trouvé à l'époque très pertinent. Je suis proche de la retraite, tu sais. Ça fait longtemps que je suis dans le domaine, mais on en voit tous les jours, là, des meurtriers du dimanche. Tu sais, ça bouscule le monde, ça arrache le bien d'autrui, ça tue tout croche, bref. Ça tue tout croche, ça ouais. Ça tue... Tout croche, une fois par année, au Black Friday, Tommy. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Avec ce qu'on voit dans les rues, hein, il faut pas prendre de chance. Fait que c'est pour ça que mon fils, il est parti fabriquer des jouets en Corée du Nord pour aider les enfants pauvres à consommer pour Noël eux autres aussi. Oh! Ben, c'est comme ça, parce que c'est pas vrai que dans une collectivité aussi riche que la nôtre, on va pas penser aux BS salles de crise, aux handicapés et aux minorités visibles. Au moins 5 minutes par année. Non, c'est... Non. Ah ben, moi, je l'envoie une semaine. On paye pour pas avoir à penser à ça. Voilà. Ouais. On paye pour ça. Une petite canne fait toujours plaisir à donner. Si c'est vous sans crisser le reste de l'année. En tout cas, tu vois, je fais rimer des affaires avec... On se le cachera pas. Il y a certains pourcentages de la population qui est sans défense devant autant de choix. Bien résumé. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Deviens rapidement. Qu'est-ce que tu veux pas pour Noël? Mon fils, il vient me voir et il me dit « Papa, je veux pas de cadeau de Noël. » Ah bah, il est mature, là. Ah ouais. Il dit « Je le sais que c'est une marque d'amour et que c'est le symbolique, mais je trouve que le symbole, il coûte cher en Christ. » Bon, il a le droit, là, de sacré. On n'est pas chrétiens chez nous. Faut dire, j'étais surpris. Je veux dire, cet enfant-là, il écoute une moyenne de 50 heures de TV par semaine. Tu sais, il me semble qu'on serait en droit, en tant que société, que fiston veille des jouets, un char, une brosse à dents électrique, du Christ de yoga, puis une nouvelle marque de tampons, tu sais. Non! Non, Tommy, il veut rien. Mon père, il disait, la vérité sort de la bouche des enfants. Puis il avait raison. Surtout qu'il rajoutait tout le temps, puis la réalité nous sort du cul. On est dans la merde, Tommy. Au moins, on est ensemble. Ben oui, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est pour ça que mon fils, là, il est pas parti vraiment travailler, tu sais. Il est parti infiltrer l'ennemi, puis détruire une cible. Oh! Ben là, tu sais. Faudrait pas oublier que la dégradation de l'espèce humaine reste ma principale source de revenus, là, tu sais. Puis aussi deux pierres, je veux dire, deux oiseaux d'une roche, là, genre. Ouais, une pierre deux coups. Une pierre deux coups, je l'avais écrit ou je l'ai enlevé. C'est pas que j'aime pas taper, là. Moi, deux coups, c'est mieux qu'un, là, c'est sûr. Je comprends. Mais je comprends pas, mais je te suis. Ok. Non plus, je comprends pas tout. Quand tu fais affaire, là, avec d'autres gènes que les tiennes, tu sais, faut que tu t'attendes à ça, hein. Fiston, là, c'est certain que ses parents biologiques, c'était des hippies verts sales de bio-amad, là. Il arrête pas de parler de partage d'amour pis de respect, c'est pas moi certain qu'il a montré ça. Hein. Attends, c'est quoi tu viens de dire? T'as dit fiston, ses parents biologiques? Ouais. Ok. Ben non, mais j'ai adopté cet enfant-là. Je te l'ai déjà raconté. Ouais, je sais, mais à toutes les fois, c'est... Il y avait une belle histoire d'amour quand on la réentend, c'est... Non, c'est ça, c'est ça. C'est un peu comme un... Ouais. Ça fait quand même une centaine d'histoires que tu viens nous raconter sur ton fils, là, pareil. T'as ben, dit que... Sur toi et le reste, là. Ouais, genre. Mais j'étais à 52 semaines par année. Je suis pas loin. Pas loin de la centième. Bon, j'en ai... Je te dis, j'en ai fait 15 pour vrai. Faut que tu sois attentif à ces comportements-là, tu sais, le parler sans arrêt, hein, de partage d'amour puis de respect. Pour pouvoir stopper ces comportements-là direct dans l'œuf. Hein. Ça, c'est un de mes amis, un certain Vladimir Tiput, qui m'a donné ce truc-là. Ouais, il dit, tu mets un cadeau dans sa cage, puis tu le forces à rester sans manger, ni boire, ni aller aux toilettes. Enfermé dans sa cage. L'affaire, c'est que dans le cadeau, il y a une bouteille d'eau, un pot pour pisser, puis de la bouffe délicieuse. Là, ça peut prendre un peu de temps, tu sais. Tu sais, des fois, c'est un enfant. Mais une fois qu'il a compris le principe, hein, c'est-à-dire un cadeau, c'est vital, ça reste. Ben, paraîtrait, là, je sais pas, je l'ai pas essayé. Je vais essayer ça cette semaine, mais qu'ils reviennent. De Corée du Nord. Je sais pas si ça t'avait suivi. En attendant, j'aimerais juste souhaiter un excellent de Noël joyeux à tous les gens en général. Tu sais? Eux autres. Ils se reconnaissent. C'est le chapeau de Femele. Tu veux mettre autre, tu sais. Que cette période d'horribles soldes fabuleux vous fasse voir l'horreur d'une foule incontrôlable qui se piétine pour acheter des affaires. Hein. Comme ça, vous pourrez constater avec dommages physiques et mentaux la frénésie des fêtes. De la magie de Noël. De la magie de... Comme ça, hein. Je pose la question, Tommy. Peut-on mourir plus dignement qu'écrasé par sa propre espèce? Je ne pense pas. Puis espèce, toi, tu veux dire genre l'homo sapiens consommatorum? Là? La pire de ces espèces-là. Oh, en terminant, ben, je suis tanné, ça va. Noël, là, à part pour rencontrer des chums, faire le party, ça véhicule des hosties de valeur de marde. Ça, je voulais le dire, c'est important. Sinon, ben, j'aime bien mieux quand c'était le solstice d'hiver. J'étais pas là, mais je me doute bien que c'était mieux. En tout cas, je me doute que c'était différent. Fait que bon party, va t'amuser. Soyez prudents sur les routes, c'est important, on le dira jamais assez. Puis continuez de rêver aussi, qu'à un moment donné, ça va aller mieux. C'est à rêver qu'on devient rêveur, et c'est en étant rêveur que l'on rêve. Eh, bateau, hein? C'est... Ben, je savais pas comment finir, là. Ben, ça, je pense que ça peut être un t-shirt, ça, là. Merci bien gros, Mathieu. Ça m'a fait plaisir. Hey, check ça comme à Batman, il est en train d'aller sauver tout le monde, toi. On était à 70. J'aimais ça. Ouais, ben, c'était un bon jeu, ça. Ouais, il était tough. Il était tough. Ouais, il était raide. Il était tough, mais là, le gars, il est en train de nous le ass-raper, pas de vaseline. On... Wall through, hein? Ouais, c'est ça. On est à 70%, il reste un seul segment, c'est-à-dire le dernier de l'excellent Bruno Corbin. Restez avec nous, on va écouter deux petits derniers clips. Là, j'ai l'internationale libertarienne et l'homme trompette de Noël. Ensuite, Bruno, on finit le show. Merci. Yeah. J'aimais bien la version de Genesis. On va laisser le boss. Vivez tout l'esprit de Noël avec les bruits de bouche de l'homme trompette. Entendez les plus grands classiques. Découvrez une technique unique. Il saura égayer vos fêtes. Falalalala comme vous ne l'avez jamais entendu. L'homme trompette fera partir votre visite rapidement. L'homme trompette de Noël. Une bouche, un bruit qui ressemble à une trompette, puis des cantiques de Noël. L'album n'est en vente nulle part. Debout les payeurs de taxes, debout les chers contribuables. L'impôt a augmenté encore dans le budget du gouvernement. C'est l'État. C'est effectivement un magicien. On va se bercer de ses paroles. Obèse et froid, qui n'a toujours pas compris que les gens sont écœurés de payer. C'est la lutte finale. Privatisons et demain l'international sera libertarienne. C'est la lutte finale. Soyons libres et demain la responsabilité sera le genre humain. Il n'est pas d'homme politique lucide, ni Charest, ni Bouchard, ni Harper. Libres, gouvernons-nous nous-mêmes, glorifions le libre choix. Pour que l'individu libre puisse faire des choix intelligents, mettons donc la bureaucratie dehors et ne gardons que l'essentiel. Donc, on n'est même pas à moitié. On avait besoin de venir vous supporter, Bruno. Ben moi, en fait, je te dirais qu'en ce moment, cette chanson-là, ce à quoi ça me fait penser, moi, j'ai été élevé dans le Parti communiste marxiste-léniniste du Canada. Mes parents étaient dans le PCCML quand j'étais très jeune, jusqu'à environ 8-10 ans, je dirais. Et puis, Ginette était là-dedans. Ginette et Jacques se sont rencontrés dans le PCCML, en fait. Ah, donc, s'il n'y avait pas de Parti communiste du Canada, je n'existerais pas. Bon, ben merci, Parti communiste canadien. Et puis, cette chanson-là, en fait, ça me rappelle les airs du Parti communiste du Canada. Je me rappelle d'une en particulier qui parlait de l'Albanie, parce que l'Albanie, c'était une nation communiste qui avait réussi. Hein? Comme on le sait tous, c'était notre modèle. Quelques mois. C'était notre modèle dans le PCCML. Et puis je pense que les paroles, c'est quelque chose. Je me rappelle des paroles. Ça faisait Oh, Albanie, étoile rouge étincelante, tu nous éclaires de ta lumière brillante. Le socialisme, c'est notre destinée. Nous combattrons jusqu'à la victoire finale. La victoire finale, moi, c'est ma préférée. Ouais. Voilà. Puis après ça, il parlait du 7e congrès, puis des sophismes, puis des affaires de même, là, puis des opportunistes. Il me semble qu'il faisait rimer sophisme avec opportunisme. Tu vois, ça fait plusieurs fois que je mets ce clip ailleurs qu'à 70%, mais j'ai jamais réussi à l'écouter au complet. Ben, c'est très compréhensible. C'est très doux. Fait que là, j'ai une petite interlude, on est rendu au bout. Je l'ai appelé Christian Preacher Goes Nut, interlude religion brainwash. used on me, and I'm going to use it on you, you foul, rotten, stinking devil. I'm going to beat you up, you devil. I'm going to cut you to pieces in the name of Jesus. It's picking up the devil's sword, the giant's sword, and chopping his head off with the old sword that he's used on you. C'est ce qu'il a dit. Oh, Bruno! Ah, ils ont pas mis la caméra du bon bord. Attends un petit peu. Ah, oh, celle-là est correcte. Ah, ok. Ah, ben, je me rends pas à l'autre. On va rester. On ben va... oui, ben oui. Est-ce qu'il y a un ami caméraman? Attends. Ah, ben oui, Bruno de secours, toi. Et voilà! Et voilà! Ni la... vu, ni connu. Hein, et n'oublions pas que je gagne en force et en adaptabilité avec l'expérience. Avec l'expérience, exactement. Et puis, c'est beau parce que t'as trouvé une belle photo pour ta première nouvelle de ce dernier bloc. Oui. Et ça va te pointer toi. Bon, c'est le check fun. Ça, toi. Pow! Puis en plus, ça fait pow! Pow! Un garçon de 5 ans a été suspendu de son école de Gaston County en Caroline du Nord après avoir placé sa main en forme de gun. De même. Ah, tabarnak, hein? Sur le terrain de jeu de l'école. Parce que c'est bien trop forçant de parler à des enfants pour leur faire comprendre des choses, puis c'est pas la job des écoles. Lorsque David Hendrix, le père du criminel... criminel! a demandé des explications, le directeur de l'école a refusé d'abandonner la suspension. Mais quand Hendrix a demandé un rendez-vous le soir même, l'école a décidé que ça valait pas vraiment la peine de parler aux parents non plus. Donc ils ont laissé tomber la suspension immédiatement tout de suite après. Les règlements de l'école ne stipulent pas qu'il est interdit de faire une forme de gun avec ses mains. L'école n'a pas répondu aux appels des journalistes non plus, mais là, à ce rendu-là, on s'en doutait que ça leur tentait pas de parler à personne. Hein? Ben ouais, mais tout le monde était déjà con, fait que là, ils ont dit on arrête d'être con. Ouais. C'est correct, là. C'est mieux de... Hey, man, tu sais, pour vrai, là. Puis tout le monde sait que finger banging, ça se fait à deux doigts. Oui. Là, c'est ça. Let's go next. Ensuite de ça, oui, Tevin Kivell Monroe voulait vraiment beaucoup une job chez McDonald's. Il s'est présenté dans une succursale de Norfolk, en Virginie, et a demandé de remplir une application pour un emploi après que la gérante lui ait répété à plusieurs reprises que ça se faisait par Internet. L'homme a soulevé son chandail, révélant un revolver accroché à sa ceinture. C'est comme un sketch de The Onion Movie. Voyons, Chris! La gérante lui a alors dit de patienter pendant qu'elle allait chercher les formulaires et a appelé la police. Kievel était en train de remplir une application quand la police l'a arrêté. Je le savais que tu l'aimerais, celle-là. Oh, moi, il veut travailler. il est allé voler une job. Marde, câlisse. Let's go, une dernière. Oui, une série d'arrestations s'est déroulée lundi dernier à partir de 1h45 du matin, alors que Carmen Retoghi de Readington Township au New Jersey zigzaguait sur la route et a échoué un alcotest. La femme de 34 ans a été transportée au poste de police et a alors appelé son amie Nina Petreka, 23 ans, pour qu'elle la ramène chez elle. Arrivée sur les lieux, Petraka, qui était clairement intoxiqué, a aussi échoué un alcotest et a été arrêté pour conduite en état d'ébriété. Les deux femmes ont alors appelé leur ami Ryan Hogan, 33 ans, pour qu'il vienne les chercher quand le prévisible est arrivé. C'était la magie de Noël! Hogan, qui avait visiblement bu, a également échoué son alcotest. Finalement. Mécaton! Calvaire! Astique son con! Donc, les trois ont finalement été libérés par un ami sobre non identifié qui est venu les chercher. Un héros. Un héros. Donc, ils devront comparaître en cours en janvier. Merci Bruno. Ça me plaisait. C'est la fin de ça. 70% de Noël. On s'en va vous rejoindre au brouhaha pour le reste. Sinon, restez en onde juste après le petit clip ici de Vive le vent et Vive la magie. On s'en va parler du film de ce soir. C'est Santa's Summer Home. C'est vraiment de toute beauté. Merci, Bruno. Blanc de neige blanche, un vieux monsieur